C'est dur de renforcer nos muscles. Il y en a beaucoup qui ont de la misère, qui ont peur, qui veulent pas. Parce qu'ils pensent que c'est trop tard. Parce qu'ils pensent qu'ils sont pas capables. Parce qu'ils regardent le voisin puis ils se disent ça n'a aucun sens. On regarde personne. On se tient en forme. Lorsqu'on monte des escaliers, qu'on arrive essoufflé, c'est intelligent de monter des escaliers puis pas arriver essoufflé. On ne demande pas notre psychologie, qu'est-ce qu'elle en pense. Elle va te dire, invente l'ascenseur. Puis si t'as peur de l'ascenseur, ben, invente le premier étage. Puis reste là. Faire développer son mental, cela veut dire que vous devez vous évertuer à raisonner de par vous-même. On peut discuter, on peut jaser, on peut parler. Mais vous devez vous faire vous-même vos points de vue. C'est ça qui est important. Puis c'est ça que vous devez faire, surtout. Parce que si mentalement, vous avez un point de vue mental,